بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل دراستنا في شروط وآداب وفوائد الدعاء وفوائد الدعاء، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، donc on va continuer inshallah sur l'étude des conditions ainsi que des comportements et des bienfaits de l'invocation. Et donc la fois dernière, on avait commencé dans la dernière assise, après avoir étudié les conditions, après avoir étudié les différentes conditions concernant les invocations, on avait commencé l'étude de ce qu'on appelle adab, ce qu'on appelle adab ad-du'a. Adab ad-du'a, le comportement lorsqu'on invoque, le comportement adopté lorsqu'on invoque. Et donc ça, c'est très important d'adopter un comportement convenable, qui convient à cette situation d'invocation. Puisqu'on n'est pas dans n'importe quelle situation, le croyant, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est en train d'accomplir l'une des plus grandes adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et donc par le biais de ses actions, de ses œuvres pieuses et de ses adorations, le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc en quelque sorte il fait les causes pour que sa place soit élevée et s'élève auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un bon comportement à adopter. Pour ça les savants nous enseignent justement les bons et les nobles comportements lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faille faire, ce qu'il faille observer et ce qu'il faut éviter. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle al-i'tida fi ad-du'a. Al-i'tida fi ad-du'a. Ne pas commettre des choses qui vont à l'encontre justement du bien fondé de l'invocation. Et justement ensuite, ces choses peuvent être un obstacle, un empêchement pour l'exaucement de cette invocation. C'est pour cela, comme on avait explicité cela les fois dernières, souvent les gens réalisent et remarquent que parfois leur invocation n'a pas été exaucée. Et ce qu'il faut qu'ils réalisent, ce qu'il faut qu'ils se disent à eux-mêmes, c'est que si ça n'a pas été exaucé, c'est qu'il y a eu un empêchement. C'est qu'il y avait un obstacle à l'exaucement de cette invocation. Donc ensuite, il faut que la personne yuhasib nafsahu. Il faut que la personne fasse son autocritique. Il faut que la personne tufattish, elle fasse ce qu'on appelle taftish. La personne fouille en elle-même pour voir est-ce qu'elle n'a pas fait quelque chose justement qui serait un obstacle, qui serait empêchement, un empêchement qui empêcherait l'exaucement de ad-du'a. C'est pour cela que dans les assises précédentes, on avait dit que c'est un sujet qui est d'une immense importance. On avait bien stipulé dans les assises précédentes, on avait parlé des conditions. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions pour l'exaucement des invocations. Des invocations. Et on avait mentionné différentes choses. Ne pas invoquer Allah Jalla Wa'ala avec un cœur distrait, insouciant par exemple. Le fait d'être soucieux de ce qu'on mange par exemple, de sa nourriture, qu'elle soit halal, de sa boisson, qu'elle soit halal, de son maksab. Comment est-ce qu'il obtient son argent en ce qui concerne l'acquisition et l'obtention des biens, de l'argent, que ça ne provienne pas d'une source haram interdite. interdite, on avait mentionné les textes, les hadiths du prophète sallam concernant cela. Donc tout ça, ça peut être des obstacles, des empêchements pour l'exaucement de l'invocation. Pour cela, on a bien développé ce sujet pour que le croyant, lorsqu'il invoque Allah, qu'il sache. Qu'il sache, on avait bien stipulé cela, parmi les conditions, il faut qu'il invoque Allah en ayant la certitude qu'Allah exauce et Allah répond à sa demande. Qu'Allah exauce et Allah répond à sa demande. Et d'ailleurs, dans le sujet, il y a un principe très important. Il y a une base très importante à comprendre lorsqu'on parle de ijabat ad-du'a. Ce qu'on appelle l'exaucement, c'est l'istijaba. Et aussi ijabat ad-du'a. La réponse à l'invocation ou l'exaucement de l'invocation. Il y a un hadith à connaître. Donc, juste avant de reprendre sur les comportements, puisqu'on a dit que les comportements, il y a des comportements avant l'invocation sans les étudier la fois dernière. Et maintenant, on va commencer les comportements adoptés lorsqu'on commence l'invocation. Lorsqu'on commence l'invocation. Sauf que avant de revenir sur ce sujet-là du comportement, on fait une petite précision sur l'exaucement. L'exaucement de l'invocation, puisqu'il y a un point très important. Lorsque le croyant, donc, est conscient et sait, pour ça, l'importance de la science, beaucoup de gens invoquent, mais ne connaissent pas, justement, les conditions de l'invocation, comme les a appris précédemment, ne connaissent pas, justement, le comportement adopté lors de l'invocation, et pour ce fait, certains ne se voient pas exaucés, ne voient pas de réponse à leur demande, et malheureusement, pour cause d'ignorance, ben, ils ne savent pas qu'ils ont commis quelque chose qui va à l'encontre justement de l'invocation. Donc parfois on peut tomber dans des écarts, on peut tomber dans des outrances, c'est-à-dire on peut dépasser les limites dans notre invocation de sens, ce qu'on appelle i'tida, faire quelque chose qui va à l'encontre de l'exaucement. Par exemple, adopter un mauvais comportement ou autre. Ou autre. Et donc beaucoup invoquent et le fait. Qu'ils ont un manque de connaissances, un manque de connaissances, alors cette ignorance-là, eh ben, ne va pas dans leur intérêt. C'est pour ça l'importance d'apprendre ces sujets, puisque ça fait partie des bases de notre religion. Donc, pour revenir, dans un hadith, le prophète, ensemble, justement, nous enseigne le fait que pour l'exaucement de l'invocation, il y a trois choses à savoir. Il y a trois choses à savoir. Et ça, c'est très important et ça nous est relaté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu nous dit Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Imma an tu'ajjala lahu da'watu وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر. Et donc dans ce récit, c'est un hadith sur le sujet de l'invocation et l'exaucement de l'invocation. Ce hadith est une base. Il y a un enseignement qui est immense et énorme, ce que nous enseigne le prophète sallam dans ce hadith. Alors, le prophète sallam nous dit, et ce hadith est rapporté d'après Abu Saïd, que le prophète sallam a dit, il n'y a pas un musulman, donc traduction rapprochée du sens de la parole du prophète sallam, qui dit, il n'y a pas un musulman sans qu'il invoque, qui invoque Allah. Laysa fiha ithmun wa la qati'a rahim. Sans qu'il y ait de péché ou de rupture du lien. Comme on avait expliqué la fois dernière, pour l'exaucement de la vocation, il ne faut pas qu'il y ait qu'un renferme un péché, cette invocation, ou bien une rupture d'un lien de parenté. Donc le prophète, dans ce récit, nous dit, il n'y a pas un musulman, un musulman, qui va invoquer sans que dans son invocation il y ait soit un péché ou bien une demande d'une rupture d'un lien de parenté. Donc je vous reprends le hadith. Il n'y a pas un musulman qui invoque par une invocation et cette invocation ne comprend ni péché ni demande de rupture d'un lien de parenté sans qu'Allah lui donne illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, l'un des trois. Ou l'une des trois, si vous voulez. Sans qu'Allah lui donne l'une des trois. Regardez, là, on va apprendre qu'est-ce que ijabat du'a. Les trois situations dans l'exaucement du doigt. Donc le prophète nous dit, si le musulman invoque et son invocation ne comprend pas, ne renferme pas une demande de ithm, d'un péché, ou bien d'une coupure, une rupture d'un lien de parenté, alors Allah Jalla wa'ala lui donnera l'une des trois. Imma an tu'ajjala lahu da'watu, soit premièrement, eh ben, sa demande, eh ben, la réponse viendra vite. Il aura une réponse vite. Et donc, son invocation sera exaucée. Donc, la réponse viendra vite. Et donc, il aura l'exaucement et la réponse à son invocation. Ça, c'est la première chose. Donc, la réponse. Et l'exaucement de son invocation, tu'ajjal. Donc elle vient vite. Bismillah. Wa imma, ou bien, an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ou bien Allah lui réserve cela dans l'au-delà. Ou bien Allah lui réserve cela dans l'au-delà. وإما ou troisièmement إما أن يصرف عنه من السوء مثلها ou bien Allah repoussera le mal de lui repoussera le mal ou un mal encore plus grand que ce qu'il a demandé encore plus grand Allah Jalla wa'ala le préservera repoussera un mal de lui et on voit que c'est pour ça que les savants par rapport à ce hadith du prophète, Ansem nous dit que quoi qu'il arrive, la demande, elle est exaucée. Et donc, soit Allah Jalla wa Ala précipite justement l'exaucement, fait que l'exaucement de cette invocation soit précipité et donc qu'elle vienne la réponse rapidement, soit par sagesse immense, puisque Allah sait et connaît le bien pour le serviteur. Par contre, si il est meilleur pour lui et il y a un bien que cela soit retardé et qu'il ait la récompense dans l'au-delà, que cela lui soit réservé pour l'au-delà, Allah fera ainsi, subhanahu wa ta'ala. Ou bien, troisièmement, Allah écartera de lui un mal encore plus grand dont il était exposé lui-même, celui qui a invoqué. Un mal, Allah Jalla wa Ala écartera de lui un mal. Et pour cela, on voit que quoi qu'il arrive, ya, c'est ça, l'exaucement comprend ces trois choses. Et selon Allah, Jalla wa Ala, son savoir, selon sa sagesse infinie, Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux croyants ce qui est meilleur. Parce que asa an takrahu shay wa huwa khayrun lakum. Parce qu'Allah nous dit, parfois vous détestez une chose alors qu'en réalité elle est meilleure pour vous. وعسى أن تكرهوا شيئا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم et parfois vous aimez quelque chose alors qu'en réalité c'est un mal pour vous c'est un mal pour vous donc Allah est celui qui sait et nous souvent on n'a pas la connaissance on ne sait pas notre imagination et notre conception des choses est limitée c'est pour cela que on a besoin de notre Seigneur et Allah Jalla wa Ala, par sa science qui cerne tout, son savoir qui cerne tout, rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala, et Allah, il est donc Al-Halim, celui qui a cette science éternelle, infinie et parfaite, et il est Al-Hakim, le sage, celui qui détient cette sagesse infinie et éternelle. Donc, Allah Jalla wa Ala, s'il y a un bien pour nous, que la réponse soit précipitée, et athée, Allah Jalla wa Ala décrétera cela. Mais s'il y a un bien pour le croyant, que cela soit réservé dans l'au-delà, alors Allah décrétera cela. Ou bien Allah Jalla wa Ala peut éviter, écarter un mal plus grand dont le serviteur est exposé, si il y a un bien pour le serviteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui veut du bien pour ses serviteurs. Et nous, parfois, on ne sait pas où est On ne sait pas où est le bien. C'est pour ça que l'important de s'en remettre à lui et de faire confiance. Et ça, le fait de faire confiance pleinement et entièrement et complètement à son Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'exaucement, les trois choses. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et jugé authentique par Cheikh Al-Albani dans Targhib Al-Targhib. Dans Targhib Al-Targhib. Et c'est pour cela que Ibn Abd al-Barr, le grand savant Ibn Abd al-Barr, disait que dans ce hadith, fihi dalilun ala annahu la budda min al-ijabati ala ihda hadhihi al-awjuh al-thalatha. Il dit, c'est pour ça que dans ce récit du prophète, on a une preuve qu'il y a une réponse. Le dua, elle est exaucée quoi qu'il arrive. Bien sûr, si on a accompli les. On n'a pas fait quelque chose qui va à l'encontre, on n'a pas d'obstacle ou fait quelque chose qui serait des empêchements pour l'exaucement de l'invocation. À part ça, l'invocation est exaucée de l'une de ces trois manières qui a été mentionnée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Al-Hafidh ibn Hajar, qui est célèbre, l'auteur de Fath al-Bari, le commentaire de l'authentique de Al-Bukhari, dit Kullu da'i yustajabu lahu. Toute personne qui invoque, son invocation est exaucée. Quoi qu'il arrive, elle est exaucée, bidhnillah, avec l'aide d'Allah. Lakin tatanawwa al-ijaba. Sauf que la réponse varie. La réponse varie. S'il y a un bien pour la personne, parce que la personne ne sait pas le bien est où, de précipiter, de hâter sa réponse ici-bas, eh bien Allah Jalla wa Ala va décréter cela. S'il y a un bien que cela soit retardé, et qu'il a la récompense dans l'akhirah, Allah décrétera cela, subhanahu wa ta'ala. Fataratan taqa'a bi'ayni ma da'a bihi. Et regardez, Ibn Hajar va nous enseigner quelque chose de très important, et on va résumer l'enseignement qu'on a appris à travers ce hadith, c'est qu'il dit parfois, alors lorsque notre invocation est exaucée, écoutez bien, ça c'est très important ce qu'il va dire. Parfois, lorsque notre invocation est exaucée, alors on verra ce qu'on a demandé. On verra exactement ce qu'on a demandé, c'est-à-dire ce qu'on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cette invocation sera exaucée, eh ben on le verra clairement. On le verra clairement. Donc là, dua, l'invocation est exaucée, ce que la personne a demandé, eh ben il le voit. Il le voit clairement. Ou bien, parfois, la réponse à la demande, c'est que il va voir quelque chose d'autre en échange. En échange. C'est-à-dire, il a demandé quelque chose, mais Allah lui a donné autre chose en échange. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bien dans cette autre chose. Et que cette autre chose, en échange, ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a octroyé et lui a accordé, est meilleur que ce qu'il a demandé. Est meilleur que ce qu'il a demandé. Et c'est pour cela que souvent, les serviteurs, eux, les êtres, hein, souvent, on n'en a pas la connaissance. On n'en a pas la connaissance. Pourquoi? Parce que notre conception et notre connaissance est limitée. Notre connaissance est limitée. Mais Allah, Jalla wa Ala, nous a exaucé notre demande et nous a donné en échange ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur que ce qu'on a demandé. Donc vous avez vu dans la première situation, on a imploré, on a eu ce qu'on a demandé, bi'aynihi, exactement ce qu'on a demandé, on l'a eu. Deuxièmement, Allah Jalla wa Ala peut nous donner en échange autre chose meilleure que ce qu'on a demandé. Que ce qu'on a demandé. Wa qad warada fi dhalik hadithun sahih. Al-Hafidh ibn Hajar, ensuite il dit, et ce qu'il vient de mentionner là est mentionné dans un texte, un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc maintenant, on va revenir à notre sujet du comportement. On va revenir à notre sujet du comportement. Donc, on avait dit la fois dernière que parmi les choses importantes à adopter lorsqu'on invoque, le comportement. Pourquoi? Yustahab li kulli da'in an ya'tiya bi adab muhimma qabla du'a'i wa athna du'a'i wa 'inda khatma du'a'i. Donc, le musulman, il doit adopter un comportement qu'on a dit précédemment. Donc, la fois dernière, on avait parlé de certains comportements recommandés et méritoires à adopter avant l'invocation. On avait cité le fait de faire ses ablutions, le fait de se purifier et de faire ses ablutions. Deuxièmement, le fait de s'orienter vers Al-Qibla, c'est quelque chose de méritoire. Donc il est bon de se purifier, de faire ses ablutions. Il est bon de s'orienter vers la Qibla. Donc on dit c'est des choses méritoires. Sinon, on peut invoquer Allah dans toute situation. Mais ça, c'est des choses vraiment, lorsqu'on veut invoquer, il est recommandé, il est bon de le faire. Et on avait mentionné les textes à cela. فَقُلْنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الدَّاعِي الْقِبْلَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ مَكَانَ بِاتِّجَاهِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ أَمْرٌ مُسْتَحْسَنٌ وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, on avait dit أَنْ يَرْفَعَ الدَّاعِي يَدَيْهِ وَرَفْعَ الْيَدَيْنِ هَذَا يَكُونُ قَبْلَ الدُّعَاءِ. On va redire hadith mutawatira. On a dit troisièmement le fait de lever les mains, le fait qu'il est permis et méritoire de lever les mains, Lakin la yanbaghi an yarfa ad-da'i yaday fi kulli du'a. Mais on avait dit qu'il ne convient pas de le faire tout le temps, Lian dhalika lam yarid, parce que cela n'est pas mentionné. Et on avait donné des exemples à cela. Donc d'une manière générale, le fait de lever les mains, ça c'est stipulé et c'est mentionné dans des récits du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sauf qu'il y a des situations où cela n'est pas mentionné, que le prophète par exemple levait constamment les mains, comme par exemple juste après les prières. Et on avait détaillé cela dans la 6 dernière. Donc le croyant ne peut pas à chaque fois après la prière lever ses mains. Pourquoi? Parce que le prophète sallam ne l'a pas fait. Temps à autre, si la personne le fait de temps à autre sans penser que c'est une tradition, une sunna qu'il faille faire à chaque fois et constamment, falabas, il n'y a pas de mal en cela. Mais ne pas penser qu'il faille faire cela constamment après chaque prière et à d'autres situations aussi. Thaniyan. Maintenant, on va parler de adab asnad dua. Donc ça, c'était des recommandations avant l'invocation. Maintenant, les comportements pendant l'invocation. أولا أن يبدأ الداعي دعاءه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc ce comportement, premièrement, que les savants nous citent, de faire l'éloge d'Allah, de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on l'avait expliqué dans l'assise du soir, dans notre étude du livre Ahadith al-Akhlaq. On avait expliqué cela et détaillé cela, le fait que lorsqu'on commence la vocation, alors il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala, faire les louanges d'Allah en disant par exemple Alhamdulillah, Allahumma lak alhamd. Donc faire les louanges d'Allah et faire le thana et faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta. Allahumma lak alhamd, alhamdulillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. De faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, commencez par alhamdulillah. Une fois qu'on a dit alhamdulillah, on a fait les louanges d'Allah de manière générale. Ensuite, faire les prières et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fa il nous est rapporté dans un hadith: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عجلت يا هذا إذا أردت أن تبدأ تدعو فابدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ادعو يستجاب لك. Regardez dans ce récit. Dans ce récit, il est rapporté qu'un jour un homme a invoqué. Et le prophète, en somme, a vu cet homme invoquer. A vu l'homme invoquer. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, s'est adressé à lui en lui disant: Faqala lahu, ajilta ya hada. Tu t'es précipité. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu que cet homme, lorsqu'il a invoqué Allah, il n'a pas commencé par faire les louanges d'Allah et ni il n'a fait les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète sallam était le plus grand éducateur. Le prophète éduquait ses comportements sur un comportement exemplaire et irréprochable. Le prophète sallam a éduqué les compagnons jusqu'à même comment faire ses besoins. Lorsque on va faire nos besoins, le prophète Sam nous a enseigné le comportement à adopter dans ces situations-là. Alors je vous laisse imaginer que le prophète éduquait vraiment, a éduqué ses compagnons à justement adopter les meilleurs comportements et à être exemplaires. Et on voit que les compagnons ensuite étaient sur une éducation et sur un comportement, et de ce fait, des masses et des contrées, des gens, des peuples en observant et en voyant le comportement de ses compagnons, beaucoup sont rentrés et ont embrassé l'islam. Et ont embrassé l'islam. Donc le prophète, sallam, éduquait ses compagnons, que ce soit dans le comportement, que ce soit l'éthique, que ce soit souluk, que ce soit dans les adorations, la manière d'adorer. C'est pour ça que le prophète, sallam, enseignait la prière aux compagnons, comment vraiment prier lorsqu'il voyait un compagnon mal prier. Comme c'est rapporté dans le hadith de celui qui avait mal prié, le prophète sallam dit: reviens et refais ta prière car tu n'as pas prié. Et ça, c'était un grand bien pour les compagnons, de sorte qu'ils ont vraiment appris comment adorer Allah, comment accomplir la prière comme il se doit, comment invoquer Allah. Regardez, le prophète dans ce récit voit cet homme. Il invoque Allah, mais il n'a pas commencé par les louanges d'Allah. Il n'a pas salué sur le prophète sallam. Alors le prophète lui a dit: ô un tel, tu t'es empressé. Si tu veux commencer à invoquer, commence à faire les louanges d'Allah. Donc regardez, hein, ce qu'on a appris, c'est tiré directement de récit du prophète. Donc lorsqu'on veut commencer, comme le prophète a exhorté cet homme, lorsque tu veux commencer à invoquer, commence par faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit, fais les prières et les salutations sur le messager d'Allah, sur l'envoyé d'Allah. Et ensuite, invoque yustajab boulek. Mais regardez ce que le prophète Hassan va lui dire à la fin. Il va lui dire, ensuite, invoque et il te sera exaucé. Regardez, le prophète Hassan nous enseigne vraiment tout pour que l'invocation soit exaucée. Et ça fait partie de la clémence et de la miséricorde du prophète Hassan de vouloir du bien. Du bien pour les autres. Et ça, c'est la base du comportement. Les savants disent même c'est le pilier du comportement. Et c'est le prophète, regardez ce qu'il nous a enseigné. Ce qu'il nous a enseigné. Le prophète nous a enseigné d'aimer pour nous-mêmes, d'aimer pour nos frères ce qu'on aime pour nous-mêmes. Imaginez-vous. C'est le prophète qui nous enseigne cela. Dans un hadith qui est devenu un pilier, ce hadith-là, chez les savants, ils considèrent que c'est un pilier du comportement. Que le prophète ensemble dans un hadith nous dit: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Nul ne sera véritablement croyant, une traduction approchée du hadith du prophète, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc là, je vous laisse imaginer le sens de cela. Aimer pour son frère, pour autrui, ce qu'on aime pour soi-même. Tout ce qu'on aime pour soi-même, on l'aime pour les autres. C'est-à-dire que j'aime avoir telle et telle chose, et donc j'aime lorsque mon frère a telle et telle chose. Je vous laisse imaginer la grandeur d'âme, la grandeur d'esprit, le comportement d'une personne qui arrive à se donner. Qui est-ce qui nous a enseigné ça? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez vu, des siècles et des siècles et des siècles, le prophète enseignait cela. Il y a des siècles de cela à ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui. Donc, ne serait-ce de pratiquer ce hadith du prophète, d'aimer pour nos frères ce qu'on aime pour soi-même, là, la personne, il va atteindre une moralité, une grandeur d'âme, une grandeur d'esprit, un comportement énorme. Et donc, regardez, c'est pour ça que le prophète voulait du bien pour ses compagnons. Il dit, si on commence par les louanges d'Allah et par les salutations sur le prophète, il dit, ensuite, tu invoques. Yustadia Boulaka, tu seras exaucé. Tu seras exaucé. Donc on voit que le prophète en même veut l'exaucement, voulait l'exaucement de l'invocation de cet homme. Et donc le prophète lui enseigna vraiment un comportement adopté pour l'exaucement de cette invocation. Deuxième comportement adopté lorsque on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, an yukarrir ad-da'i ad-du'a wa su'al thalath marrat. Parmi les bonnes choses à faire, lorsqu'on invoque Allah, le fait de répéter. Le fait de répéter l'invocation. Et cela, par exemple, trois fois. Le fait de répéter trois fois l'invocation. Comme c'était la sunna du prophète, ça s'aime souvent de répéter trois fois l'invocation. Qala Abdallah ibn Mas'ud. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith où Abdallah ibn Mas'ud nous rapporte Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, idha da'a da'a thalathan, wa idha sa'ala sa'ala thalathan. comme c'est rapporté par l'imam Muslim. Regardez, Abdallah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon du prophète, il nous rapporte que le prophète, lorsqu'il invoquait, da'a thalathan, il invoquait trois fois. Wa idha sa'ala, sa'ala thalathan. Et lorsqu'il demandait, il demandait trois fois. Wa man sa'ala al-jannata thalathan, a'tahu Allahu al-janna. Wa man istajar billahi min an-nar thalathan ajarahu Allahu min an-nar. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que celui qui demande le paradis trois fois, alors Allah lui donnera le paradis. Et celui qui demande le refuge contre le feu, la protection contre le feu, trois fois, alors Allah lui accordera refuge contre le feu. Et donc ça, c'est, il est méritoire que lorsqu'on invoque, par exemple, de demander et de répéter l'invocation à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela, par exemple, comme il nous est censé dans ce hadith, trois fois. Troisième comportement recommandé à adopter, an yudhira da'i faqrahu wa hajatahu ila rabbi. Comme a dit Jalla wa ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya, innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wad'uhu khawfan wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Et donc, regardez, troisièmement, il faut que celui qui invoque, il fasse apparaître, il fasse montrer son indigence, son besoin, sa pauvreté face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il fasse montrer son besoin pressant, son besoin qu'il a, son indigence, sa faiblesse, sa pauvreté. Et donc, il invoque Allah avec toute humilité, avec toute humilité. Et ça, c'est mentionné dans ce verset, dans le verset 55 et 56 de la sourate Al-A'raf, lorsqu'Allah nous dit « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya » Invoquez votre Seigneur, en quelque sorte, « tadarru'an wa khufiya » avec toute humilité et dévotion. « Wa khufiya innahu la yuhibbu al-mu'tadin » Allah nous dit dans le verset qu'il n'aime pas les transgresseurs. C'est pour ça qu'il faut éviter toute transgression dans l'invocation. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا Et ne semez pas la corruption sur terre après sa réforme. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Et Allah ensuite nous dit dans le verset « Et invoquez-le avec peur, crainte, وَطَمَعًا et désir. Et désir aussi. Inna rahmat Allahi, car certes la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiseurs. Et ça, c'était le troisième. Quatrième, an yad'u al-'abdu rabbahu fi kulli haja tanzil bihi. Quatrième chose recommandée, c'est que le serviteur invoque son Seigneur à chaque fois quelque chose le touche, à chaque fois qu'il est touché par quelque chose, il invoque son Seigneur constamment. Wa qad kana as-salaf yas'aluna Allah kull shay. حتى إن أحدهم كان إذا انقطع شخص النعلي سأل الله إصلاحه سأل الله إصلاحه de sorte que il nous rapporte que le serviteur donc doit toujours invoquer son Seigneur dans n'importe quelle situation il invoque son Seigneur et ça c'était la manière de faire de nos pieux prédécesseurs. قال كان السلف يسألون كل شيء حتى إن أحدهم كان إذا انقطع شسع نعاله سأل الله إصلاحه إذا انقطع شسع نعاله سأل الله إصلاحه. Et donc il nous dit de sorte que nos pieux prédécesseurs les rapportaient qu'ils demandaient à Allah soit là pour toute chose, jusqu'à ce qu'il ait rapporté que certains pieux prédécesseurs, même si la semelle de son soulier venait à se déchirer, si se déchirait la semelle de son soulier, par exemple, ils invoquaient Allah. Ils invoquaient Allah pour la réparation de cela. C'est vraiment pour faire montrer, pour illustrer la ferveur qu'ils avaient dans le fait d'invoquer Allah en toute situation et toutes circonstances. Ils invoquaient, ils demandaient à Allah pour tous les besoins qu'ils avaient. Donc on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, et on continuera, Inch'Allah, sur ces comportements-là dans la prochaine assise, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.